seul. J'ai toujours été seul car je viens du sous-sol. Je n'ai pas mon nom écrit sur tous les murs, mais sur tous mes vêtements, car je tâche comme une mûre. Écoute, reste toi-même, ne donne pas d'image, reste plutôt sage. Là tu en diras de l'avantage. Je travaille dur, très dur, et là je récolte ce que j'ai gagné. Du style, du flow et des sacs de rimes à enchaîner. Trop de MC se disent puissant sur le mic. Je suis gravé sur aucune joue, juste sur ma bague. Mon poids me pousse, me place au poste de boss. Qui est le plus féroce? C'est celui qui envoie la sauce. Un pour les aigus, deux pour la basse, trois pour ta face. Qu'est-ce parce que je ne porte pas d'Adidas. Une arrivée en force dans le hip-hop. Tu te moques, d'âge m'en bats les couilles. Deux, je ne baisse pas mon pop. Je suis de la nouvelle vague des rappeurs à double face. Efficace contre les tâches tenaces. Everybody move your body. Qu'on peut ça. Et tous au possible sont dans la partie. Ouais, une spéciale dédicace à tous les MC qui se disent qu'on s'appuie sur le MIC. Sur le beat, tiens, je prime qui frappe avec mes likes. Mon niveau est trop fort pour me comparer à ces pédés. Je suis le fond con cacadélélé qu'on appelle Busta. J'aiguise, déguise mes rimes comme les locks de Rasta. Mon style est tellement fort que les surmontants il fait crier les muets. Dans ce lake, chat réveille les morts. Mon putain flow coule encore plus qu'une putain chatte mal réglée. Coupe ta platine, gars, je sens que t'as envie de t'étrangler. A l'aise, à balèze, plus chaud de la braise. Du haut de la falaise, je baisse car je viens du 93. Ouais, j'arrive de nulle part et pas près de Rocky Bar. Ma place, je le fais dans squat dans les chromis. Respecte le fond, garde les legs, bust ta flex. J'efface les sales faces avec mon style et du type excellent. Ne viens pas me tester, je mets trop d'MC à la monde donc je suis détesté. Sur le beat, tiens, je prime qui frappe avec mes likes. Trop de MC se disent puissant sur le mic. J'ai du one style, je le watch, je la flex, mon gars. King avec mes Nike, gars. Sur le beat, tiens, pour les beats, tiens. Juste me hurle, tu sais où j'habite. Donc respecte ma quête ineffect. Je connais direct sec à tous les fous du move qui se la pète. Reste vrai et représente le vrai hip hop. Celui qui se moque du rock et qui ne baisse pas son froc. Le HIPH, OPH, OP, sa place en silence. Mais personne ne pense qu'en France on avance de la danse dans le bon sens. Donc j'ai décidé de prendre le mic, d'imposer mon style sur les pas comme des éclats pousseurs de flaque. De la tronc qui joue les macs, qui mérite des claques. Représente le bien, reste vrai toi pour ne pas qu'on te braque. Ta méthode man est trop redman pour que tu joues les biggies. Jamais il boit même si tu portes des teams de baggy. Et quand je suis dans la place, c'est boum, passé comme Shaggy. Spécial big up pour mon DJ Goldfinger, qui représente pour le bourget. Voilà la vraie sauce pour un 996, un 997. Funk, Festa, Flex, procède une fois de plus la recette. Sur le beat, tiens, écoute ça. Sur le beat, tiens, je prime qui frappe avec mes nines. Trop de MC se disent puissant sur le mic. J'ai du one style, je le vois, je la flex, mon gars. King avec mes nines, avec mes nailles. Trop de MC se disent puissant sur le mic. J'ai du one style, je le vois, je la flex, mon gars. Kick avec mes nailles, gars.